L'Intermarché Florent Lachance de Saint-Prime a tout ce qu'il vous faut pour profiter de l'été au maximum. Un département des viandes de qualité supérieure, supervisé par des maîtres bouchers à l'écoute de vos moindres exigences. Des fruits et légumes gorgés de saveurs à des prix compétitifs et un comptoir de mets cuisinés qui charme les palais les plus fins. L'Intermarché Florent Lachance, agent autorisé SAQ, est fier de commanditer la chronique du club de golf Saint-Prime sur le lac Saint-Jean et souhaite une bonne saison à tous. C'est la chronique du club de golf de Saint-Prime avec notre ami le directeur général, Gilles Larouche. Salut Gilles! Bon matin. Hey, Gilles, 34 degrés aujourd'hui, 32 de jeudi et vendredi. Ça est-tu au club de golf de Saint-Prime, sûrement? Amplement. Seulement pour illustrer un peu à quoi que ça peut ressembler aujourd'hui. À ce moment-ci, on est en matinée, il y a 120 joueurs déjà d'inscrits. Ouf! Alors, puis le téléphone sonne d'Uruji pas, donc c'est excellent. Et disons que c'est un copier-coller qui, pour d'ici à dimanche, là, les gens profitent possiblement des dernières chaleurs de estival pour venir. OK. Hey, mais quelque part, est-ce qu'on va être capable de récupérer le retard qu'on a engendré à cause de la mauvaise température ou à tout le moins amoindrir un petit peu? Parce que je sais que j'avais fait des entrevues avec Michel Lallemand à Chibougamau pour en parler. Puis je pense qu'il était très conservateur quand il disait ça. On disait des pertes de 1 000$ par jour pour les clubs de golf. Donc, est-ce que le fait que... Parce que on se compte pas d'histoire, les autres années, là, à ce temps-ci, il fait pas mal moins beau, puis le golf, c'est pas mal fini. Fait qu'on va-tu être capable au moins d'amoindrir? Bien, c'est sûr que le mois de juillet a fait très mal. Ouais. Parce que les gens sont en vacances, disons qu'ils ont beaucoup de disponibilité. Ce qui est perdu, je dirais, il est difficilement récupérable. Mmh. Mais le terme amoindrir est excellent. Des journées comme aujourd'hui, en plein mercredi 16 septembre, avoir plus de 120 joueurs, finalement, en bout de 10, on va peut-être finir avec 140, 150 golfeurs. Ouais. C'est excellent. On réussit à récupérer, mais disons que les dommages sont faits, et nous, notre rôle, entre autres, au club de golf Saint-Prime, c'est de profiter du momentum de la température, puis de démontrer, encore une fois, un peu plus d'agressivité au niveau des promotions, parce que aujourd'hui, même si la température s'annonce incroyable, bien, on fait quand même des promotions parce qu'on voit qu'il y a des ralentissements dans les alentours de 13h, 13h30. Alors, on part avec des promos où est-ce qu'on veut attirer monsieur et madame. Ben, mais là, il annonce 34 aujourd'hui. Là. Ça veut dire que ça va coûter 34$ jouer au golf. Je me semble que j'attendrais qu'il ferait 17 puis ça vaudrait la peine. Mais disons que aujourd'hui, c'est pas la promo météo, sinon ce qu'on a fait, quand la température est un peu plus neige, on peut utiliser cette promo-là. Mais comme cet après-midi, quelqu'un qui vient jouer à compter de midi chez nous, c'est 20$, okay. Taxes incluses, puis c'est golf à volonté. La personne veut jouer 36 trous, 27 trous, ça va lui coûter 20$. Et s'il veut profiter de les voiturettes motorisées, on a d'excellents prix également. On est en promotion, je te dirais, à tous les niveaux. À OK. Donc, est-ce que tu as des comparables? C'est sûr que c'était pas la même organisation l'an passé, puis c'était vraiment, là, c'était morose. On va se compter d'histoire. L'Élise, ben, je sais que l'ancienne directrice générale se battait avec tout son cœur pour au moins bien finir l'année. Mais est-ce que donc ça a dû avoir un impact sur l'achalandage? Est-ce que tu as quand même des chiffres à pareille date? Comme exemple, hier, le 15 septembre, là, il y avait passé combien de monde le 15 septembre 2014? Est-ce que tu es capable de le savoir, Jean? Moi, j'ai pas nécessairement le chiffre de la fréquentation, mais j'ai les prévisions budgétaires. Okay. Et au niveau budgétaire, je peux te dire que nous connaissons une bonne année, malgré le mois d'août qu'on a parlé tout à l'heure. On a une excellente année. Les chiffres de l'an dernier sont battus depuis le 1er septembre de notre côté. Alors, tout ce qui est d'ici la fin de la saison, parce que ici le slogan, c'est qu'on va fermer pendant qu'il y ait de la neige. Alors, tout ce qui est ce qu'on ramasse d'ici la fin de l'année, ben nous, c'est un coussin pour nous permettre de passer l'hiver puis de se rendre au printemps de manière, disons, beaucoup plus facile que lorsque tu termines avec un grand défi. Le cul. Alors, c'est pour ça que même, Dani, si tu me permets, on a même repoussé le tournoi de fermeture. La plupart, les terrains de golf de la région, normalement, c'est ce week-end ou le week-end prochain. Et nous, dans la philosophie, on avait un début de saison. Hâtif, on va avoir un début de saison. Tardif, c'est-à-dire que le tournoi fermeture, nous, devrait se dessiner dans le coin du 17 octobre. Alors, on a des idées, on est en train de concocter quelque chose en lien avec l'Halloween pour vraiment créer un atelier avec fondu pour dire on conclut l'année très bien. Mais est-ce que ça vaut le coup de faire ça? Parce que, bon, il y a quand même des frais là, opérant un club de golf. Là. Donc, le 5 octobre, exemple, là, il risque de faire à peu près 8 degrés. Est-ce que ça vaut c'est sûr que tu vas vraiment diminuer on va diminuer les employés, c'est sûr et certain, mais à la fin, est-ce que ça va vouloir le coup? Ce que je peux déjà dire, c'est que on a fait la gestion financière préventive. À partir de après la fête du travail, on a commencé à réduire les heures d'opération. Exemple, le Pro Shop, avant, on terminait, au coucher du soleil. Okay. Là, maintenant, on ferme un peu plus tôt. On commence un peu plus tard le matin. On récupère environ 5 heures par jour au niveau du temps, à ce niveau-là. Et on va en récupérer davantage au fil du temps, d'ici la fin de la saison. On a fait la même opération au niveau du lavage, remisage de bâtons et au niveau du restaurant et du bar. Alors, on offre le service, mais on s'entend, puis on avise nos membres. On est dans une situation financière qui est bonne, mais toujours précaire, puis on doit prendre des décisions qui sont responsables. Alors, est-ce que ça vaut le coup à ce moment-ci, dans ce que je vois, dans les chiffres que je vois, ce que j'anticipe? Oui, ça vaut le coup. OK. Parce que sans quoi, on fermera à partir, exemple, du 30 septembre, on dit merci à l'an prochain. Mais question de respect pour la clientèle, et avec les promotions que l'on fait, même à ça, faire un parallèle, ce week-end, vendredi, samedi, dimanche, ben, on organise des petits tournois à l'interne, membres, non-membres, pour les gens, les inciter, ça coûte pas cher, c'est 10$ pour inviter les gens à venir s'amuser avec nous, de faire profiter de notre beau terrain de golf et de leur démontrer, parce que cette année, on a dit, on démocratise le golf, venez jouer à votre terrain de golf, vous allez vous amuser, puis monsieur, madame, tout le monde, c'est votre terrain. Oui, parce que... Alors oui, Danny, ça vaut pas. Parce qu'il y avait un mythe, puis je pense que ça existe tout le temps, que le golf, c'est pour les riches. Je pense que c'est un mythe qu'il faut... Il n'y a pas que le club de golf de Saint-Prime. La plupart des clubs de golf ont à se battre contre ça. Hey, Ryder Cup en fin de semaine, ça va avoir lieu. Oui. Est-ce que c'est à Saint-Prime ou à Delbeau d'abord? C'est ce samedi à Saint-Prime. Okay. Dès 10h. Alors, c'est 12 participants des champions de catégorie. Il y a eu différentes formules de classification. 12 champions de Saint-Prime contre 12 champions de Delbeau, champion et championne, parce que on n'a pas seulement que les 2A. On peut avoir du A, du 2B, du B, du 2A féminin, du 2B féminin. Alors, c'est 6 hommes, 6 femmes de chaque club qui vont s'affronter. Ils vont jouer 27 trous. Et le pari, c'est assez, disons que avec Delbeau, on a une belle chimie, on a une belle fraternité. Puis le gagnant, ben, je pourrais dire plutôt le perdant, va payer le souper. Ah, OK. Alors, c'est un souper fondu qui est organisé. Alors, que le meilleur gagne, puis l'autre, c'est lui qui va recevoir la facture pour cette journée. Est-ce que j'imagine qu'il y a toujours le sentiment de fierté, il y a toujours le sentiment de... de compétition qui va rallumer, je pense, les joueurs, là. Puis une petite rivalité est saine, mais c'est bien correct de même aussi, là. Ouais, c'est une rivalité qui est saine, mais d'autant plus qu'on a fait faire cette année, autant Delbeau puis Saint-Prime, comme la vraie Ryder Cup qu'on voit aux 2 ans, chaque joueur va avoir son sac avec son nom dessus. La même chose pour Delbeau, avec même les joueurs vont avoir leur couleur au niveau des chandails. Ça va être vraiment particulier. C'est une première, puis c'est clair que ce ne sera pas la dernière parce qu'il y a beaucoup d'engouement pour cette compétition. OK. Est-ce que ce comparativement à l'Interclub, parce que l'Interclub, il y a des joueurs, c'est mélangé un peu, là, le fameux tournoi Interclub qu'on connaît depuis des années. Là, fait que ça, c'est une bonne nouvelle, je pense. Fait que c'est vraiment... Parce que l'Interclub, là, c'est des 12, c'est des 10 meilleurs joueurs de chaque club. Oui. Alors, c'est pas monsieur, madame, tout le monde qui ont accès. Exemple, une madame qui est championne dans le 2A peut pas jouer ça. C'est une compétition qui est masculine. Alors, cette année, on voit même des dames ici qui sont dans le B qui peuvent contribuer à la victoire de leur équipe. c'est vraiment c'est rassembleur pour chaque club. Puis ça permet un bel échange avec nos amis. Oui, effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui s'en viennent en fin de semaine à part ça? C'est pas, je pense que ça va mobiliser pas mal de la fin de semaine, hein, les deux clubs. Oui, c'est ça, c'est samedi. Nous, on a des petits tournois au niveau local. Puis la semaine prochaine, on est en train d'organiser le tournoi de UH. Ah oui, c'est vrai, comment ça va avec André? André, ça va bien. Sauf que c'est sûr que ça va lentement. Monsieur André, il y a beaucoup d'occupations. Il travaille très, très fort avec les voltigeurs, puis on connaît André. Les inscriptions commencent à rentrer. Et puis, on va voir un peu plus là, la semaine prochaine l'envergure que ce tournoi-là va nous présenter. OK. On pensait qu'il y aurait 140 joueurs au départ. Est-ce que tu penses qu'on s'en va vers là? Ça va prendre un gros vide. En toute transparence, je vois les inscriptions. C'est beaucoup de joueurs. C'est beaucoup de joueurs, mais c'est faisable. Parce que nous, on organise des tournois, on fait des téléphones. C'est sûr que c'est beaucoup de contacts, c'est beaucoup de téléphones. Puis on le sait que M. Wallet, c'est quelqu'un qui est très branché sur la scène sportive et autres. On a parlé avec lui hier. Il nous dit que ça va bien. Il fait ses téléphones, mais on anticipe une belle surprise en début de semaine prochaine. Bien, on se parle, que ce soit toi ou Rémi, mardi ou mercredi. Excellent, puis si tu as le goût, viens jouer au golf avec nous. Bon, ben c'était le directeur général du club de golf de Saint-Prime, Gilles Larouche.